franceinter.com. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 195. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 7 mars 2010, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Alors, avant tout cette semaine, tu restes scotché par la violence des éléments naturels et par l'impuissance de l'homme. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, en France, des personnes meurent noyées dans leur maison en bord de mer. Oui, c'est tragique, mais c'est les risques quand on construit en terrain inondable, non? On est en 2010 et on devrait accepter des tempêtes comme ça sans réagir? Et les marées, là, ça descend, ça monte. Au 21e siècle, vous trouvez ça acceptable? Les marées, ça dépend de la Lune. La Lune, ça suffit. L'heure de question de se laisser dicter quoi que ce soit par la Lune au troisième millénaire. À mon avis, après avoir réformé le capitalisme, il va réformer l'océan Atlantique. Oui, ce matin, l'ami, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joug d'un Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous reviendrons ce matin sur la fantastique débâcle des guêtres, des dragons et des spatules. Dans la foulée, nous te dévoilerons les vraies raisons qui ont poussé le locataire de l'Élysée à se rendre au Conseil constitutionnel lundi dernier. Ensuite, nous rêverons clandestinement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA où le sommeil de nos joyeux fantômes radiophoniques a été perturbé par les élections irakiennes, un onirisme mésopotamien que nous ausculterons ici avec beaucoup d'entrain. Immédiatement après, direction Grosboule-les-Bains où l'altruisme suspect de Jean-Claude n'a plus de limite puisqu'il a décidé mercredi dernier de passer son brevet de secouriste. Et puis nous enchaînerons avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter et ce matin, nous t'offrirons la définition d'un saltimbanque italien à Torre. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et n'aie plus peur. I wake up in the morning with my bitch in the bed. She don't like the police and she sure hate the feds. I love my girl cause she give me what I want. She ride in the trunk or either ride in the front. She look like 22 but she really 45. For some reason she done made a whole lot of niggas cry. So bad that she made them all pull their money out. Take it out they pockets and they put it in my pocket. Gotta hurt the way that girl do ya. She always wanna would take the mula. Give me them pesos, the cash and the credit card. Might be a bribe, but the lip bitch is your heart. You the police, and we is the robbers. You need more than them helicopters and stoppers. Excuse me, let me introduce my lady. Her name is Beretta and she motherfucking crazy. City old school on them big boys. 12 inch whoopers in the trunk making big noise. Got the big toys. Don't make me have to flash. Let 100 rounds go, you do 100 yard dash. Back up in the hood where the rules don't shift. And the gangsters talk trill, sip, perp and burn pip. You can call 5-0 and 5-0 my might come, but by the time they arrive, all the dirt done been done. Now one thing's for certain, two things for sure. Being poor is a disease, gotta hustle up a cure. Start with your head, homie, then use your hands. If you try it in reverse, you don't even have a chance. We worldwide worried with the hunger and the thirst. From the third world countries to the second and the first. It sounds like a verse, but it's more like a plan. Get your Robin Hood on, put some pressure on the man, tell him. Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Paper Planes, ce sont les avions de papier que nous offre la londonienne Mia, remixée par Diplo, parce qu'avec les avions, il y a toujours des problèmes de papier. Alors comme ça, c'est ton premier vol? Ouais, eh ben, bien bouclé ta ceinture, hein. Mais t'inquiète pas. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce papier? Ah, c'est un formulaire de douane. Ah bon? Il est possible que t'aies à le remplir. Et ce petit sac, là? Il est possible que t'aies à le remplir aussi. Eh bien, à 11h11, il est temps pour nous de prendre notre vitesse de croisière et d'ouvrir immédiatement ce 195e épisode du Mangin Palace afin que nous amorcions ensemble nos modestes péripéties laïques. Et débutons avec notre petite session freudienne en compagnie de M. Divan Beaujolais qui, ce matin, a pointé ses lorgnettes vers Vancouver pour faire le bilan de la fantastique débâcle des guêtres, des dragons et des spatules. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Direction à présent, une dernière fois, Vancouver. Oh, merde! La flamme des JO 2010 s'est éteinte. Ça ne vous dérange pas si j'éteins? Ah non, allez-y, j'ai rien contre. Et le maire de Vancouver a remis le drapeau olympique à celui de Sochi. Et qu'entendez-vous par là? Sochi en Russie où auront lieu les prochains JO en 2014. D'accord, on verra ce qu'on fait. C'est donc l'heure des bilans. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, raconte. Avec 7 médailles obtenues lors des 5 premières journées de compétition. Comment ça, ce qui s'est passé? On a été nuls! Voilà ce qui s'est passé! Le bilan à mi-parcours de la délégation française est plutôt correct. Si tu le dis. En revanche, là où le bas blesse, c'est que depuis 4 jours, le compteur des médailles ne tourne plus. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Et que depuis le début de ces jeux, à l'exception de Jason Lamy-Chapuis, c'est qui ce type? Tous les leaders français, comme le patineur Brian Joubert, Simon Fourcade en biathlon et Ingrid Jacquemot en ski alpin, c'est qui chez Clown? Sont passés à côté de leur compétition. Rien n'est jamais assez bien et c'est toujours de notre faute! En cette deuxième semaine, plusieurs Français vont devoir supporter ce statut de leader. Mais c'est de la folie ça! C'est le cas notamment des slalomeurs Julien Lizroux et Sandrine Aubert et de la spécialiste du ski cross, Ophélie David. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah rien du tout, mais c'était quand même grandiose. 10 médailles à Vancouver. Je l'ai dit assez fort. Décidément, les Français excellent en biathlon. Oh bah ça a l'air intéressant. Et Sandrine Bailly a annoncé dans la foulée qu'elle mettrait un terme à sa carrière à la fin de cette année, donc elle part. D'accord, bien sûr, non, c'est pas un problème du tout. Sur un beau succès, Marion Josserand, elle, a donc décroché le bronze dans le ski cross. Je comprends rien du tout. Vengeant, en quelque sorte, la grande favorite, Ophélie David, qui est passée complètement à côté du sujet. Ça, on peut dire que c'est une très belle métaphore. C'est une malédiction pour les leaders et une bénédiction pour les outsiders. Très original. Après Guilbeau Colla en ski de boss, Pierre Voltier en snowboard cross et Xavier Kuhn en ski cross... Ophélie David, la reine du ski cross féminin. Très drôle! est-elle aussi passée à côté de ces JO? Et comme Tony Ramon et Déborah Antonioz en snowboard, qu'est-ce que tu me dis là, bordel? Marion Josserand, que l'on n'attendait pas, a su prendre le relais. Où tu veux en venir? Une consécration pour la skieuse de Champs-Rousses, âgée de 23 ans, qui avait une seule ligne à son palmarès, un succès en Coupe du Monde l'an dernier en Autriche. C'est pas trop mal pour une débutante. C'est aussi une petite consolation pour Ophélie David. Il y a un bon côté à ça, tu sais. Ah oh, oh oui, vraiment. Qui est tombée en évitant la future médaillée de bronze en quart de finale. Oh non, ça ne fait rien, bref. Le Canada est en tête des nations médaillées avec 14 médailles d'or. Félicitations. Côté français, 11 médailles, seulement 2 en or. C'est pas vrai. Oh, tant pis. Et la faillite du ski alpin et des sports de glace. En revanche, bravo au biathlon. Ça, c'est du boulot. C'est une équipe de choc. Modèle à suivre, souligne Fabien Canu, le patron de la préparation olympique. Moi, j'attendais beaucoup plus. Pas que du ski cross. Bon, faut que j'y aille là. Mais si on a à chaque fois allez, 10 à 12 médailles, ce sera contrat rempli. Et on a besoin de ces 4 à 5 autres médailles qui viendront de la glace pour jouer les 15-17 médailles et approcher le top 5 des nations. Vous savez que je ne suis pas l'homme des incertitudes, des demi-mesures et des à peu près. Je travaille dans le concret, moi, et je veux voir ça. Je travaille dans le concret et je veux voir ça. C'est exactement le mot d'ordre qui résonne sous les ors élyséens depuis quelques jours. Car une seule question a taraudé les têtes pensantes de l'exécutif cette semaine. Comment préparer la visite présidentielle et inaugurale du Salon de l'agriculture le jour de la fermeture? Pas simple. Alors, dans le salon Murat de l'Élysée, Nicolas Sarkozy a réuni ses plus fins stratèges, Claude Guéant, Henri Guénaud et son fils Jean, afin de préparer cette visite au Salon de l'agriculture. Et comme pour préparer un match de foot ou un combat de boxe, il a été décidé de regarder des vidéos d'archives du champion en titre de cette catégorie, Jacques Chirac. Quand vous aurez fini de vous branler devant votre porno soft, on voudrait regarder les cassettes. Papa, ça, tu lui as dit ta théorie sur les anciens présidents? Prends tes cassettes et barre-toi, pauvre con. Radical, papa, t'as un look d'enfer, c'est cool. Les anciens présidents sont les meilleurs que j'ai connus, les meilleurs. Eh oui, les anciens présidents ont été bien meilleurs que l'actuel pour mettre le feu sur le dance floor agricole de la porte de Versailles. Il fut donc décidé à l'Élysée de provoquer une rencontre entre président Sarkozy et président Chirac afin que le patriarche refile au petit scarabée de bons tuyaux pour ne pas se faire huer au milieu des Normandes et des Charolaises. Et le moment choisi pour cette rencontre a été la visite de Nicolas Sarkozy au Conseil constitutionnel lundi dernier. Bon, avant l'entrevue, président Sarkozy a visité l'honorable institution en compagnie de Jacqueline Guillen-Schmidt, la seule femme sage depuis 2004. Alors voilà, nous sommes au premier étage, celui des résidents les plus dynamiques. Certains y sont depuis plus de 5 ans. Les petits déjeuners, les dîners sont servis en chambre à 9h et 18h. Les déjeuners, eux, sont exclusivement servis au restaurant à midi pile. La déambulation est autorisée dans toutes les parties communes durant la journée, exclusivement dans les étages durant la nuit. Ah, j'oubliais. Interdiction absolue de fumer sans surveillance. En apprenant que l'enfumage est ici interdit, président Sarkozy se sent tout à coup moins à son aise. Mais le malaise s'évanouit quand débarque en loose dé Michel Charras, le nouveau sage nommé par l'Élysée. Nicolas Sarkozy lui demande alors s'il est heureux de ses nouvelles fonctions. Et en effet, M. Charras paraît ravi. Je voudrais lui dire que la seule chose que j'ai dite, et j'en suis sûr, c'est que je n'ai jamais dit ce qu'on a dit que j'aurais dit. Rien ne peut donc autoriser quiconque, de bonne foi, à dire que j'ai dit ce que je n'ai pas dit. D'autant plus que je redis que ceux qui continuent à dire que j'aurais dit n'étaient pas présents au moment et à l'endroit où j'aurais dit ce que je n'ai pas dit. Cette bluette a un merveilleux parfum. Non, moi non plus, j'ai pas faim. Oh non, j'ai dit parfum, pauvre cloche, tu peux balancer ton appareil pour sourdingue, il est périmé. Quoi, il y a Prosper Mérimé? Viens, on va lui serrer la main. Un jour, je vais la battre. Mais qui sont ces charmants vieillards? Il s'agit évidemment d'ex-président Giscard et d'ex-président Chirac, membres de droit du Conseil constitutionnel. Eh oui, c'est comme ça, mais depuis 2007, la France a la chance d'avoir deux anciens présidents, une situation toute neuve. Ainsi, pour la visite de Nicolas Sarkozy, il y a 11 membres au Conseil constitutionnel, 9 nommés et 2 de droit qui s'installent autour de la table du Conseil pour une discussion solennelle. Allez, on commence. Bah, y a pas tout le monde ? Comment ça, y a pas tout le monde ? Vous voyez bien que si. Vous voyez un fauteuil vide ? Non. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez ? Bah, qu'en plus de l'attendre, il faut lui trouver un fauteuil. Oui, je crois même que c'est la première fois qu'il est absent. Hein. Bah, moi, il me semble que je suis là à chaque fois. Ouais, bah d'ailleurs, on se demande. Vous devez sûrement être indispensable. Je vous signale que quand vous aurez bien discutaillé une plombe et qu'il faudra se mettre à l'ordre du jour, vous allez tirer la gueule. Non mais attendez, il va attendre 2 secondes l'ordre du jour, on m'agresse là. Oh, mais personne vous agresse, venez pas faire votre sucré là. On dit juste que vous savez pas faire la part des choses. Il est rentré chez lui comme une vieille crotte. Ah, vous voyez, vous arrivez pas à faire la part des choses. Part des choses. De quoi est-ce que je vous ai traité l'autre jour au bord de la rivière ? De gros connard. Voilà, il est encore là. Pourtant, c'est un connard, ça change pas, ça. Un gros connard. Bon, le ton est donné et le lyrisme sarkozyste commence déjà à colorer les lambris du Conseil constitutionnel. Mais, je te le rappelle, la raison profonde de la venue de Nicolas Sarkozy au Palais Royal, là où siège cet estimable Conseil, c'est d'obtenir de président Chirac quelques petits tuyaux pour ne pas se faire chahuter lors de sa visite au Salon de l'agriculture. Alors, Nicolas Sarkozy, profitant d'un temps mort, s'est doucement approché de président Chirac pour lui demander conseil en lui rappelant le bon vieux temps. T'avais les mains comme des raquettes, pépé, pépé. La tactique qui consiste à vouloir en permanence, parce que ça vous gêne, interrompre pour essayer de déstabiliser l'adversaire, elle ne sert à rien. Alors, soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet, n'est-ce pas ? Car ce n'est certainement pas vous qui allez me déstabiliser, vous l'imaginez bien. Sûr et certain que président Chirac n'a pas encore totalement digéré toutes ces années passées. D'ailleurs, président Chirac, qui se bassine sévère avec ses austères du Conseil constitutionnel, prend la poudre d'escampette pour se rendre à la buvette, où il trouve président Giscard, déjà réfugié là, dis donc, et qui fait son grand prince. J'ai essayé de tourner parce que j'ai une confiance, une absolue confiance en ma supériorité, mon absolue supériorité sur toi, dans absolument tous les aspects du comportement humain. Tenez, gardez la monnaie. On va laisser à cette jeune personne le soin de nous départager. Dites-moi, mademoiselle, étant donné les circonstances, lequel de nous ramèneriez-vous ce soir à la maison ? Vous voulez dire à la maison ? Oui. C'est-à-dire à la maison de retraite. Sérieusement, chérie, choisiriez-vous cet homme avec son asymétrique paire de fesses qui dégouline et ses poignées d'amour de la taille du Nebraska, ses ongles d'orteils jaunâtres, vieux, laid, incarné. Ce vieux salaud aux oreilles poilues, vous avez vu son cou en gésier de poulet et son visage qui ressemble à des kilomètres de canyons asséchés de la vallée de la mort. Messieurs, une tournée qui vous est offerte par vos amis à la table là-bas. Un vrai délice, une boisson énergétique. Je bois souvent de ce truc. Et c'est bon pour la libido. Bien, c'est évidemment président Sarkozy et ses amis qui ont offert une tournée de boissons énergétiques aux anciens présidents afin d'obtenir les bonnes grâces de président Chirac, le champion des visites réussies au Salon de l'agriculture. Alors, pas mauvais bougre, président Chirac finit par accepter de s'asseoir à la table de son successeur à l'Élysée pour lui donner quelques conseils. Encore un peu de fil. Ah bah, je me demande si ça serait bien prudent. Manger les tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe savoir la mer. Ah oui, mais ça me... Les bulles ? Oui. Ah bah c'est la biscotte. Ah bon ? Ah bah oui, ça donne des bulles. Ah. Dites-le, garçon, est-ce que le chou farci est à température ? Voilà, monsieur. Très bien. Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes ? Si. Mais non. Si. Me donnerai la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça ? Si. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Mais j'ai toujours vécu dangereusement. Moi, des choux farcis, je ne ferai même pas une bouchée, moi. Mais parce que vous savez pas manger. Vous allez voir. T'as, donnez-nous deux calvats. Ouh là là. On va faire le trou normand. Le calva dissout les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon ? Voilà, messieurs. Oui. Mais que, comment on boit ça ? Du sec. Allez. Hein ? Hein ? Vous ne savez pas vivre, mon petit. Il n'y a que votre argent qui vit. Vous, vous êtes un fantôme. Oh, ben, le fantôme, il vous dit merde, hein. Voilà. Voilà. À l'approche de sa visite au Salon de l'agriculture, c'est donc la nature qui reprend le dessus. Bon, nous avons tous vu comment ça s'est passé hier matin pour Nicolas Sarkozy en visite au Salon de l'agriculture. Les conseils de président Chirac n'ont pas transformé notre président. Et en ce qui concerne les anciens présidents, Bon ben, ils s'en sont retournés au Conseil constitutionnel, à la grande joie de leurs enfants d'ailleurs. Vous ne l'avez pas gardé non plus, votre personne âgée? Ah, ah non, ben, je, non, non. Non, je l'ai mis... Oui, vous l'avez, elle est dans une maison. Voilà, ils sont aussi bien. Oh, oh là là là là. Parce que c'est à leur rythme. Oh, bien, mais oui. Donc, moi, ça me rassure. Ah, voilà. Ça me rassure, et puis ça, en même temps, ça me fait, ça me fait plus de place à la maison. Ah oh, bah on gagne un... Ah, bah. Moi, du coup, je me suis fait un home vidéo. Ah oui, d'accord. Ah bah, j'ai récupéré la chambre. Ah, oui. Moi, j'ai récupéré son clic-clac, comme ça, ça nous fait deux canapés dans le salon. Ah oui. Comme ça, on est bien, on est là. Oh, on est mieux quand même sans papy. Puis j'ai libéré les pendules. Oui, oui, oui. Et puis, moi, souvent, il me réveillait deux, trois fois par oui. nuit. Ah, oui, il se levait, forcément. Ouais, forcément. Alors là, je dors. Oui. Ça coûte aussi toute sa pension, il parle. Faut être courageux. Like a Nickelodeon, loaded up with lots of tunes, paper moons, paper junes to go. Fill the basket to the brim, wait until the lights are dim. Set the stage and let the music flow. Pique-nique party, c'est le déjeuner sur l'herbe que nous propose ce matin Bird Paola. Mais qu'en est-il du pique-nique de Panurge ? Avez-vous déjà vu des moutons qui organisent un pique-nique ? Au fait, tu viens au pique-nique dimanche ? Bah ouais, y aura qui d'autre ? Ah bah, y aura Jean-Christophe et Caroline, y a Kevin qui vient tout seul, mes parents, ça fait 7, Julie nous rejoint dès qu'elle sort de la tonte, y a aussi Kader... Ah ouais, on sera 9 moutons quand même. Et puis, Jean-Marie... Ah oui, ça fait 10 moutons. Bien. Laissons maintenant les moutons roupiller paisiblement et ouvrons dès à présent à 11h28 notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Alors, tu n'ignores point qu'aujourd'hui même, en Irak... se tiennent les secondes élections législatives depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Mais cette fois-ci, le scrutin revêt un caractère très particulier, car a priori, la nouvelle assemblée qui sortira des urnes devrait récupérer une entière souveraineté d'ici 18 mois, puisque Barack Obama l'a promis, l'occupation des troupes américaines doit s'achever définitivement à la fin 2011. Par conséquent, C'est un choix d'avenir crucial auquel sont confrontés les 19 millions d'électeurs dans les 18 circonscriptions irakiennes. Au passage, souhaitons vivement qu'ils choisissent l'unité nationale plutôt que le confessionnalisme. Toujours est-il que jeudi dernier, le sommeil de nos joyeux fantômes radiophoniques fut perturbé par l'imminence de ce scrutin irakien. Un rêve étrange dans les contrées lointaines de la Mésopotamie. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard Lhermitte et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions en retrait, loin des feux de l'actualité. Si bien que les nouvelles du monde, au lieu d'occuper nos journées, venaient hanter nos rêves. Ainsi, Pierre Ishak avait tout fait pour ne pas penser aux élections en Irak. Et voici ce qui lui est arrivé. L'autre nuit, j'ai fait un rêve. Une fois de plus, je visitais l'Irak, source bénie du dépaysement dans le temps et dans l'espace. Une fois de plus, j'étais en quête des mille et une nuits. Et là, bien sûr, Scheherazade est apparue. Est-ce que la poésie et la musique tiennent une grande place dans la vie des Irakiens ? Oui. Ils sont un peu mélancoliques, mais les gens s'attachent terriblement à la musique, à la poésie évidemment. Il y a des gens, spécialement pendant les fêtes, pendant Ramadan, qui récitent des poèmes et les gens écoutent, mais vraiment avec toute leur attention. Et c'est un peu romantique, je peux dire, les gens là-bas. Et même le rêve de Pierre devenait un poème. Les siècles, sur mon passage, remontaient à la surface. Les avions militaires de Bagdad survolaient le tombeau de Seyd Zobeïda, l'épouse du calife Haroun al-Rachid. Et dans sa descente vers le sud, le train s'arrêtait à Babylone. La capitale d'un empire disparu n'était plus qu'une halte sur la ligne de chemin de fer. Et à la gare de Babylone, la machine à composter les billets parlait. C'est ici, à Babylone, qu'ont été construits les premiers observatoires, que les premiers calculs astronomiques ont été mis au point par les savants babyloniens. Les Babyloniens étaient les grands techniciens de l'humanité. C'est ici que sont apparues les premières voûtes. Et c'est ici que les arts de la fonderie sont nés, que l'orfèvrerie est née, que les arsenaux d'armement sont nés. Nous étions suspendus aux lèvres du compteur, qui semblait nous avoir oubliés. Le film se déroulait pour moi seul, mêlant le passé le plus lointain au plus récent et celui-ci au présent, comme le sol mésopotamien juxtapose Ninive et Bagdad, Ur, la ville d'Abraham et Ctésiphon, celle de Khosroès, et le blé avec les chameaux et les dattes avec le pétrole. Alors, de cet étrange chaos a surgi Sinbad, expert en géographie. Autant Damas est une cité facile et heureuse, autant Bagdad est secrète et d'un abord austère. 1000 kilomètres la séparent des rivages riants de la Méditerranée. Le climat y est dur. Bien sûr, cette impression pénible s'efface dès qu'on s'est habitué à Bagdad et on en découvre alors les surprenantes beautés. Dès le mois de mars et tout au long de la belle saison qui ne cesse qu'au début de décembre, se découvrent des journées aussi paisibles qu'en Haute-Provence. Des milliers de rosiers s'ouvrent tout d'une fois avec une force inconnue en Europe. Le ciel des nuits est si pur qu'on y compterait les étoiles. C'est la saison où l'on goûte le farniente, où l'on se réunit sur les seuils, tout comme chez nous, pour bavarder et écouter chanter. Ce qui est dommage, c'est que Pierre ne se soit pas réveillé à ce moment-là, parce que la fin de son rêve était vraiment trop réaliste. C'est un concept qu'on a mis au point en 1991, la première guerre en Irak. Zéro mort, zéro sang. Enfin, à la télé, parce qu'en vrai, c'était une boucherie. Mais faut pas communiquer là-dessus. Je comprends, oui. Bon, on va faire un jeu. Je te dis un mot, tu me dis celui qui vient derrière, ok ? D'accord, oui. Bon, Coca. Cola. Hollywood. Chewing-gum. Frappe. Chirurgical. Parfait, t'as bien tout avalé. Chirurgical, ça évoque quoi pour toi ? La chirurgie, la précision, sauver des vies. Parfait, t'es un vrai con. Consommateur, je veux dire. Merci. Merci beaucoup, Flora Bernard, de nous avoir offert ce voyage entre le Tigre et l'Euphrate et de nous avoir rappelé combien Bagdad est une cité richissime de son passé. Néanmoins, il est temps maintenant de retrouver Jean-Claude et sa dame. Voici donc notre décrochage régional et ses actualités locales. Direction Gros Boule-les-Bains. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Bien. Toujours en direct du Mangin Palace, bien sûr, à 11h34. Retrouvons immédiatement nos deux accidentés de la vie courante, Monique et Jean-Claude, qui, figure-toi, sans le savoir, sont passés tout près d'une catastrophe dans la nuit de lundi dernier. Cela dit, au réveil mardi matin, Jean-Claude s'est tout de même aperçu qu'il avait un goût bizarre dans la bouche. Il est 6h42. À peu de choses près. Je rêvais que je dévorais un gigantesque babaour. Je me suis réveillé pour découvrir que je mâchonnais férocement une de mes boules de caoutchouc pour mes oreilles. Et ça n'a aucun goût. À mon avis, il faut que je vérifie si mon café le soir est réellement décaféiné. Eh oui, nous avons frôlé le stupide accident domestique puisque Jean-Claude a bien failli s'étouffer en pleine nuit avec l'un de ses bouchons d'oreilles en plastique. Par ailleurs, son angoisse s'est encore un peu accrue lorsqu'au petit déjeuner, il a entendu à la radio qu'une étude très sérieuse vient de révéler qu'en France, les accidents domestiques tuent 18 500 personnes par an. Du coup, au grand mot les grands remèdes, dès mercredi soir, Jean-Claude s'est enfin inscrit au cours municipal de Michael et Robert. Ce que nous allons essayer de faire, Michael et moi-même, c'est de vous inculquer les gestes élémentaires de tout bon secouriste. Un bon secouriste, c'est quelqu'un qui va être à même d'endiguer une asphyxie, mais aussi de pratiquer le bouche-à-bouche, de faire un massage cardiaque et de réanimer un noyé. Mais avant de réanimer un noyé, il faut le sortir de l'eau. Hein. Bon, et si on passe à la pratique, hein ? Assez de blabla, en route pour l'FPS. L'AFPS, l'attestation de formation au premier secours que veut absolument décrocher Jean-Claude, car il refuse désormais d'être impuissant devant une situation d'urgence. Il veut être capable d'aider les gens en péril, et puis surtout, va savoir, mais les personnes secourues pourraient bien le remercier avec un petit bifton. Enfin bon, le cours de secourisme commence et Jean-Claude est très concentré. Puis arrive la pause, où il en profite pour demander à ce Michael les raisons pour lesquelles il est devenu secouriste. Eh bien, son professeur de la sécurité civile lui répond qu'il y a bien longtemps, il fut le témoin impuissant d'un tragique accident domestique. Nous étions 12 à table. Un tas de champignons, du jour au lendemain, me laissa seul au monde. Seul, car 2 heures auparavant, j'avais volé 8 sous. Dans le tiroir caisse pour m'acheter des billes. Ce crime allait avoir pour moi des conséquences imprévues, innombrables et diverses. Car mon père en courroux s'était écrié, puisque tu as volé, tu seras privé de champignons. Jean-Claude est effrayé par cette sordide histoire du sort et il redouble d'efforts lors de la seconde partie de ce cours de secourisme où il s'agit maintenant de passer aux exercices pratiques, toujours sous la férule de Michael et Robert. Bon, maintenant, j'ai envie qu'on passe à quelque chose d'un peu plus physique. Il peut vous arriver, à tout moment, d'être en présence de quelqu'un qui va être pris d'un terrible mal. Et qui dit malaise, dit évanouissement. Et qui dit évanouissement, dit... perte de connaissance. Et le plus souvent, chute inopinée. Alors, comment réceptionner au mieux un corps qui s'écroule sans prévenir ? C'est ce que nous allons nous efforcer de vous apprendre, mon camarade et moi. Nous sommes dans un cocktail, nous devisons, sans savoir que dans quelques instants, l'un de nous deux va s'effondrer. Comment vas-tu, Michael ? Comment s'est passé ce week-end à Coney Island ? Oh, tu sais, le soleil là-bas. Réception, coussin de protection, pour éviter un bruit de nuque. D'accord ? Bon allez, qu'est-ce qui commence ? Moi. Ça, c'est un stagiaire motivé. Allez, en position, situation. Dialogue. Hello Michael, comment s'est passé ton week-end à Coney Island ? Non, tu sais, le soleil là-bas. Qu'est-ce que j'ai donné ? C'est Coney Island. Ok, autant pour moi, Michael, on la refait. Situation. Certes, Jean-Claude est un stagiaire secouriste très motivé, mais il vient de se rétamer la face sur le tatami. Qu'importe, il est là pour apprendre à sauver des vies, alors il persévère et se montre très volontaire. Et d'ailleurs, à la fin de ce premier cours mercredi soir, Robert, le secouriste là, révèle à Jean-Claude la beauté, mais aussi toute l'excitation de sa démarche. Sauver la vie de quelqu'un, c'est comme tomber amoureux. Il n'y a pas meilleure drogue. Après, pendant des jours, des semaines, parfois, on marche dans les rues et tout ce qu'on voit est transfiguré. Une fois, des semaines durant, je n'ai pas touché terre. Tout devenait plus léger. Mes semelles jouaient des fanfares, des fleurs me tombaient des poches. On se croit devenu immortel, comme si c'était sa propre vie qu'on avait sauvée. Dieu s'est manifesté à travers vous. Pourquoi le nier ? L'espace d'un moment ? Pourquoi nier que l'espace d'un moment ? Dieu, c'était vous. Oh oui, le pied, se dit Jean-Claude, se prendre pour Dieu quelques instants. Du coup, c'est certain, il reviendra mercredi prochain, puis celui d'après, dans l'unique espoir de décrocher son brevet et de devenir ainsi le secouriste de son tiécard. Et justement, alors qu'il rentre à la maison, figure-toi que Jean-Claude entend son voisin, Monsieur Baudard, hurler comme un cochon qu'on égorge. Immédiatement, notre apprenti secouriste se précipite pour une intervention rapide. Le pauvre Jean-Pierre Baudard vient de se trancher maladroitement le lobe de l'oreille avec son rasoir, parodiant au passage The Big Shave de Martin Scorsese. Mais devant cette blessure, Jean-Claude est impeccable. Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Vous êtes un sadique. Vous êtes un sadique, vous adorez voir souffrir les gens, hein. Dites donc, y'a rien du tout, c'est une raflure. Je souffre horriblement, et arrêtez de faire des commentaires, essayez de me faire un pansement correct. Vous êtes vacciné contre le tétanos ? Je suis vacciné contre tout. Je suis jamais passé aussi près de la mort. Oui, mais vous auriez pu avoir moins de chance. Ça va beaucoup mieux, là, je sens que la douleur se calme. Vous faites bien les pansements, hein. C'est malheureux, j'ai 4 ans de secourisme derrière moi. Mais quel arracheur de dents, ce Jean-Claude. C'est plus fort que lui, il est persuadé qu'il est le meilleur en tout. Qui plus est, il se sent maintenant obligé de fournir un soutien psychologique. Car si la douleur de Jean-Pierre Baudard s'est apaisée, il n'en demeure pas moins qu'il est très inquiet de ce bout d'oreille qu'il vient de perdre. Eh bien, aux yeux de Jean-Claude, également secouriste des âmes, il ne faut surtout pas s'inquiéter, car M. Baudard n'est pas le premier à être victime d'un accident domestique auriculaire. Il n'y a pas de délire à se promener la nuit avec un chapeau attaché de 12 bougies pour peindre sur le motif un paysage. Car comment le pauvre Van Gogh y aurait-il fait pour s'éclairer ? Certes, Antonin Artaud lui aussi peut être un secouriste à sa manière, mais là, M. Baudard reste interdit devant cette citation du Jean-Claude qui préfère maintenant rejoindre ses pénates, l'esprit tranquille d'avoir secouru son voisin. Cela dit, ce parallèle avec l'oreille de Van Gogh a beaucoup troublé Jean-Pierre Baudard, si bien qu'à peine parti, Jean-Claude entend cette fois la femme du voisin crier au secours puisque son mari vient de faire un authentique malaise. Quelle belle fin de soirée, puisque c'est une occasion en or pour Jean-Claude de se prendre pour Dieu. Vite, vite, vite, ne le laissez pas mourir. Ne t'inquiétez pas, nous sommes là. Que s'est-il passé ? Son cœur, il a dû oublier les cachets. Vous m'entendez ? Combien de doigts voyez-vous ? 3. Où sommes-nous ? Chez moi. Quel est votre prénom ? Jean-Pierre. Jean-Pierre, quelle est la capitale de la Syrie ? Quoi ? Quelle est la capitale de la Syrie ? Je sais pas. Damas ! C'est Damas ! Quel est le leader des Rolling Stones ? J'ai le vertige. C'est Mick Jagger. Arrête. Quel est le comique préféré de tous les Français? J'ai mal. C'est pas j'ai mal, c'est Jamel, gros nul. Oh, ferme ta gueule, connasse. Quelle est la plus grande planète du système solaire? Saturne. On ne souffle pas. On ne souffle pas. Voilà. Les premiers secours revisités par le Jean-Claude, c'est aussi délicat que la réduction de la fracture sociale, ça se soigne à grands coups dans la tronche. Enfin bref, nous sommes toujours en direct du Mansion Palace et à 11h43, il est temps désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple ne doit pas être pris à travers, car il s'agit du mot « a tore ». Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en ce moment, chez nous, la campagne pour les régionales bat son plein. Et en Italie, c'est du pareil au même, puisque les régionales auront lieu fin mars. C'est donc l'occasion rêvée de nous pencher sur la politique berlusconienne grâce à Paolo Mudugno, professeur de civilisation italienne à Sciences Po Paris. Alors découvrons ensemble, juste après la virgule, ce qu'est la frime politique transalpine. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Trois consonnes, trois voyelles, à tore. Quelqu'un qui interprète des rôles, qui se met dans la peau d'autres personnages. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé. Et pour Silvio Berlusconi, est-ce que vous diriez que c'est un à tore ? Ah oui, je pense que c'est un grand interprète de personnages. Vous savez que dans ses campagnes électorales, il y avait le président ouvrier, le président travailleur, le président entrepreneur. Il faisait des affiches avec plein de différents Berlusconi. Et en plus, il a commencé en tant que chanteur. Il interprétait des très belles chansons sur les bateaux. Je suis d'Italie, je le reste, et dans le verbe et dans le geste. C'est facile de faire de l'ironie aussi, c'est plus compliqué de vraiment comprendre le phénomène Berlusconi, de comprendre pourquoi on a ce phénomène dans la politique italienne et pourquoi cet homme a réussi quand même, il ne faut pas l'oublier, à être réélu trois fois dans un pays que je continue à considérer comme un pays démocratique. Votre divorce, vous pensez que ça peut avoir une influence sur votre popularité ? Non, j'ai les derniers sondages. Au contraire de ce qu'on peut penser, il y a eu encore une augmentation pour comme j'ai affronté avec certaines classes, disons. C'est pas ça qu'on appelle la classe. Pour l'expliquer, donc, il faut parler de la fin des partis traditionnels, de la fin du communisme. Des enquêtes anticorruption qui donc avaient complètement mis par terre toute la classe politique de l'époque et qui donc ont laissé un boulevard à cette nouvelle proposition politique qui a su bien interpréter un peu ce que les Italiens demandaient. Sergio Leone déterre la hache de guerre et il se bat contre Silvio Berlusconi. Une procédure judiciaire est engagée, il réclame 18 millions de francs. Le titre de son film, Le Bon, la Brute et le Truand, diffusé récemment sur Canal 5, n'a pas été maquillé, ce qui arrive parfois, mais il s'en est fallu de peu. Sans me rien dire, on a passé les films et on l'a coupé de 40 minutes. Et alors, le procès, c'est normal. C'est un procès contre l'œuvre même. C'est en même temps un pays passionnant parce que tous les jours, il y a des choses assez extraordinaires qui se produisent dans la politique italienne. Donc maintenant, ils sont plutôt engagés en essayant de résoudre la grande complication qui est née du fait qu'ils ne sont pas arrivés à présenter les listes électorales dans les deux principales régions italiennes, à savoir la Lombardie et le Latium. Là, on est plus proche du film comique quand même. Ils rendent leur liste trop tard et du coup, ils ne peuvent pas se présenter aux régionales qui seront la fin du mois. Oui, alors là, si vous allez sur le web, actuellement, il y a vraiment une floraison extraordinaire de sketchs, de affiches truquées, de chansons, y compris We Save the World, réadaptées avec les mots de la politique italienne pour décrire cette situation. We are the world. En fait, ils se moquent notamment donc du parti de Berlusconi et notamment même avec le parti originaire de Berlusconi qui s'appelait Forza Italia. Il l'appelle Forza Panino, ça veut dire force sandwich, parce que le monsieur qui n'a pas réussi à déposer les listes à Rome, il dit qu'il ne l'a pas fait parce qu'il était sorti chercher un sandwich. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Et voilà. La vie politique italienne n'a donc rien à envier à la nôtre, et l'inverse est vrai aussi. Bon, pour ces élections régionales, la coalition de Berlusconi semble avoir un peu de mal à présenter des candidats dans toutes les régions. Ainsi, en Italie, la vie n'est pas une sinécure pour les puissants, même à la Curie. Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 82 ans et je recherche des compagnons de route. Si comme moi, tu aimes te lever le dimanche matin pour boire du vin rouge à jeun et que tu ne supportes pas le préservatif, rejoins-moi au Vatican, j'ai un travail pour toi. Ah oui, et si tu es négationniste à forte poitrine, ça m'intéresse aussi. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où aller aux quatre vents. Mais dedans sa roulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise et le voilà reparti pour une nouvelle terre promise. Et le soir, autour d'un feu de camp, elle rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant. Et c'est ainsi que Cautan à travers les saisons, c'est ainsi que regardant par-dessus l'horizon, sans même s'en apercevoir, notre père nous a semés aux quatre coins du monde comme des grains de blé. Et quelque part au bout de l'univers roule encore la vieille roulotte de mon père. Il est long, il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller. Il est long, il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Le chemin de papa. C'est celui que suivait Joe Dassin en 1969, sans doute le même chemin qu'avait emprunté Georges Brassens quelques années plus tôt. Le chemin parcouru, il a été le chemin, et tous les chemins qui montent ont des escarpements. Comme dit l'autre Courage, le chemin a été long, le chemin a été difficile. Alors maintenant, à 11h52, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Eh bien Philippe, c'est merveilleux, c'est le retour des jours heureux. La presse nous prouve, une fois encore cette semaine, qu'il faut vraiment être un ours mal léché pour ne pas être enthousiasmé par l'évolution de la société. Tout d'abord, le quotidien bulgare Dva Decet Ichistirichasa. Oh, c'est bien. Ouais, j'ai un peu fait du yaourt là. Bulgare. Nous apprend que jeudi, que la crise économique peut sauver des ours bruns en Bulgarie. Oui, ça, je savais pas, mais on peut dégommer des ours là-bas à condition de payer une taxe proportionnelle à la taille de la bébête. Voilà. Alors, un chasseur français a fait exprès de louper sa cible pour ne pas avoir à débourser les 19 000 euros que lui aurait coûté son nounours. Ah, et oui, c'est ça. Alors, le Kidam armé a demandé aux autorités qu'on lui apporte un ours un peu plus petit, donc moins cher. Voilà. On lui a dit non, pas d'ours plus petit. Et oh, excusez-moi Philippe, j'entends dans mon casque un auditeur qui vient de dire à côté de son transistor qu'en Bulgarie, comme chez nous, pour les ours comme pour les humains, face aux frics, ce sont les plus gros qui profitent du bouclier. Et oui, c'est pas faux, hein. Alors Philippe, pourtant, être un gros nounours n'est pas de tout repos. Le Augsburger Allgemeine Zeitung de jeudi dernier nous apprend que Knut va être castré. Voilà. Mais qui est Knut? Alors Knut, c'est l'ours polaire vedette du zoo de Berlin. qui cohabite avec Giovanna, sa cousine. Ils ont le même grand-père, Olaf. Alors, pour éviter tout risque de consanguinité, on va le castrer. Quick, aïe. Voilà, alors, mais Philippe, cette semaine, le nouvelops.com nous apprend une autre tentative de castration, celle que tenterait d'effectuer TF1 sur Radio France. Ah oui. Et oui. Et sur France Inter en plus. Et voilà, c'est ça. Le Nouvel Obs nous raconte que quand on tape sur Google les mots France Inter Podcast ou bien France Culture Podcast, on tombe sur un lien commercial vers les podcasts de la chaîne TF1. Écouter la différence prend d'un coup tout son sens. Alors, que se passe-t-il? TF1 a-t-il racheté les mots-clés inter et culture? Il n'y a pas de preuve. Ou alors s'agit-il d'un mystère de l'Internet où Big Brother Google n'a de culture que TF1? Comme le dirait Knut, c'est mystère et boule dégommée. Parce qu'on imagine mal une entreprise commerciale essayer de jouer les pirates avec la culture. Quoique, le Parisien, dans son audition parisienne d'avant-hier, nous apprend cette incroyable histoire. Les dirigeants de Déballage Dreyfus, une des plus grandes enseignes du marché Saint-Pierre, dans le 18e arrondissement de Paris, vous savez, spécialiste des tissus, viennent de lancer une procédure judiciaire contre Lily Walker et contre les éditions Parigramme. Parce que Lily Walker, écrivaine, a commis un polar intitulé « Au malheur des dames », dont l'intrigue se déroule justement au marché Saint-Pierre. Alors les patrons de cet établissement jugent tout cela insultant, diffamatoire, et ils réclament l'interdiction du bouquin et 2 millions d'euros de dommages et intérêts. Voilà, au malheur des dames, ça porte bien son nom. Bon, on avait déjà bien repéré le comeback de Monsieur Enbo, patron des forges dans Germinal, qui utilisait le prétexte de la crise pour baisser les salaires. Ça, on l'avait déjà fait. Et le retour d'Octave Moret, c'est pas mal non plus, j'aime bien. C'est surtout le retour de l'ordre moral. Alors, d'ailleurs, Philippe, il faut faire très attention. Le quotidien USA Today de vendredi nous raconte que dans le New Jersey, Elisa Gonzalez, qui avait décidé de faire un bonhomme de neige avec ses mômes de 21 et 12 ans, il lui arrive une drôle d'aventure. C'était pas vraiment un bonhomme de neige, c'était une dame de neige, puisqu'ils ont reproduit à la cool la Vénus de Milo dans leur jardin. Alors, devant cette œuvre, leur voisin n'est pas resté de glace. Il a appelé la police, qui a demandé à ce que cette sculpture licencieuse soit détruite ou couverte. Voilà, donc Elisa n'est pas restée de marbre et sa Vénus de glace a été affublée d'un bikini vert. Voilà. Alors vous allez me dire, mais c'est les États-Unis, un pays fondé par des puritains, tout ça. Et pourtant, le site internet du JDD nous apprend que chez nous, il s'en passe de bien belles. Enfin, plutôt que l'on doit se passer de bien belles affiches. Il s'agit de l'affiche promotionnelle pour les prochains concerts du chanteur Damien XVI qui vient d'être censuré dans le métro parisien. Alors, c'est vrai que vous aimez bien Damien XVI. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, j'adore, vous connaissez ma passion pour Damien XVI. Heureux ceux qui intègrent l'univers de cet artiste intègre. Et puis Philippe, moi aussi, j'étais jeune et con. Alors, cette affiche, c'est une photo en noir et blanc réalisée par Jean-Baptiste Mondino qui montre une femme nue dans un caddie avec ces mots « J'accuse ». Alors, pas besoin d'être bardé de diplôme pour comprendre le message. Ça dénonce l'exploitation de la femme comme une marchandise. Eh bien, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, rien que le mot « ça fait peur », a demandé à ce qu'on la retourne, qu'on la retire, car elle est dégradante pour la femme. Vous voyez, Philippe, ces mêmes mecs qui acceptent à longueur d'année des monceaux de corps de femmes dénudées pour vendre des yaouts ou je sais quel produit breveté Monsanto, tout à coup, ils sont offusqués et pudibonds. Voilà, d'un coup, je ne sais pas trop ce qui est le plus énervant dans l'affaire, Philippe. Est-ce la bêtise ou l'hypocrisie ou bien les deux? Parce qu'on cherche à castrer les ours et les artistes. France Inter Podcast est remplacé par TF1, Mondino par Monsanto, Damien XVI par Benoît XVI, évidemment. Pour l'ordre moral, c'est donc le retour des ours heureux. Merci Monsieur Maudit pour votre revue de presse et à la semaine prochaine puisque le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 195e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Je remercie rapidement, parce que je suis un peu en retard, Xavier Mauduit qui a coécrit l'émission avec moi. Merci beaucoup Xavier. Au platine ce matin, il y avait bien sûr H2M, Henri-Marc Nutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Jean-Philippe Jeanne et Dana Armstrong, merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup aussi à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais, Elsa Denac. Pour les Scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie vivement, merci à Olivier Lefayère, ainsi qu'aux documentalistes de Lina et à Marie Bertin, notre nouvelle stagiaire. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Planchon pour sa propre recette du crumble. Nous, on se retrouve le week-end prochain. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao.